Aien regalo carairum, que mi disiamena ver ladraio realo. Et tu, tamben, agantes un, tripadis cambad. En subre d'ai roudan, aiestrasa maroupa, ei bartassad, et pugnu des sangs vio, tout une longue pergamine. Dirayumo, vengu des reins. Si est l'oreille de la lune, si est reine de la férune, si est les âmes de la marune, les aigues de la palune, les anges de ses parades, c'est que pareil ses masques, si est les séparades, plague de sa majesté des muscles. Si est régine de luz, si oreille de gaire plus, si est l'enfant de montaïsune, enfin l'aire de tu, les reines et ses parents, d'aqueste paraule fusque sont les séparales, sans sa parade, mots que ne sont dit ma bouca. Testa cordura de sedo, terra veus e testa secca. L'esperma dura la lingua, di la selva pada de coma. Manco ma la lecca de lei e di mon cuor pausica de mo, dis un parla de lei. Sio l'orei de la luna, soberan de so pu, ancien saberu che so pu, conta les estela. Peri de gigant, campa pao da olendeman, ara sieu un enfant bateu sen velo. Et ça vit pas comme fa sans zélo. Est-ce qu'on me perd sans boula sans allo? Est-ce qu'on me perdre la vie sans perdre ma fortune sur des camintoires? Et alors dis mon quoi, y'a plus gaire d'humain. Vieux fugilige, dis mes yeux passe l'outin. Et si au purée des reins, ainsi s'acaba mon camp. Si est l'oreille de la lune, si est reine de la férune, si est les âmes de la marune, les aigues de la palune, les anges de ses parades, c'est que pareil ses masques, si en lise ses parades, plague de sa majesté des muscles. Si est régine de luz, si oreille de gaire plus, si en enfant de montaïsune, enfin l'aire de tu, les reines ses parents, d'aqueste paraule fusque sont lise ses parades, sans sa parade, mots que ne sont dit ma bouca. Parli d'un mot de ma langue, de tu que t'alluences. Des frames valentes et des mots de l'amour qui évaluent en inette faguen les mallettes. Boudin parti et c'est strinchaillé. Pouli de sigueleste, faut que purée nous arreste. Dis une chale et nusia ou la calou des cayennes et la luce égyptienne qu'a éliminé. Comme mon père oublie d'a dit juste amicalin que sien élimina. Dis une chapelet vicieux, c'est pas télévisation. Les raies de la reine transforma en bétu. Pouli un parti et sympathie, un sens sans se perdre des teintes vieux et sympathie. Pouli insuffisant. Pratique, parlant d'un monde qui nous tanque. Des yeux qui m'estaquent, des tu qui t'escapes. Des sirènes, même raloutin qu'elle irait d'Itaka. Si l'homme a diminué tout, ouais, mais nous t'aimes pas ça, mais tu. Si est régine de l'iscla, et poupe l'isque, si est ma calypso. Père les mains, passer les temps d'ancien. Père ton avait les tes yeux, y'a guéritan fait, fa guéritan quand l'amour des luènes des temps anciens. Et si au purin des tout. Si au purée de tu, si est l'oreille de la lune, si est reine de la férune, si est les âmes de la marune, les aigues de la palune, les anges de ses parades, c'est que pareil ses masques, si en lise ses parades, plague de sa majesté des muscles. Si est régine de luz, si oreille de gaire plus, si est l'enfant de montaïsune, enfin l'aire de tu. Les reines et ses parents, d'aqueste paraule fusque sont lise et séparales, ou sans sa parade, mots que ne sont dit ma bouca.